l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission, nous avons commencé notre exploration de la période de l'entre-deux-guerres, en examinant la période difficile de l'après-Première Guerre mondiale et la grande illusion de prospérité qui habite la socio-économie canadienne dans les années 1920. C'est une période où l'on vit la fin de la politique nationale, de cette croissance extensive fondée sur l'occupation de l'espace par la mise en place des grands réseaux de chemin de fer. C'est aussi la période où la performance relativement moins brillante de l'économie canadienne entraîne la résurgence de l'émigration vers les États-Unis. Mais si les signes avant-coureurs de crise sont évidents déjà dans les années 1920, avec les années 1930, ce sera la débâcle. Aujourd'hui, dans la 20e de notre série d'émissions, et la seconde de quatre que nous allons consacrer à l'entre-deux-guerres, nous jetterons un coup d'œil sur la socio-économie canadienne dans les années 1930. Les années 1920, on l'a vu la dernière fois, ont été marquées par un optimisme excessif et une illusion de prospérité que la courte relance économique des années 1925-28 aide à se perpétuer. Mais c'est en fait une période où la balkanisation du pays s'accentue sérieusement, où le sous-développement des provinces maritimes se concrétise et où on commence à voir se développer au Canada comme dans le reste du monde industrialisé un secteur tertiaire, un secteur de services relativement plus important. En 1921, le pourcentage des travailleurs canadiens dans le secteur tertiaire dépassait à peine le tiers de la main-d'œuvre. En 1931, c'est plus de la moitié. Alors qu'en 1920, un peu plus du tiers du revenu national vient du tertiaire, en 1930, cela dépasse les 60%. L'après-guerre et les années 1920 ont aussi vu l'agriculture se mécaniser. Il se vendra plus de 100 000 tracteurs dans les trois provinces des prairies entre 1918 et 1930, la moitié trouvant le chemin de la Saskatchewan. En dollars constants, la valeur de la machinerie et des instruments aratoires par travailleur dans les prairies va passer de 350 $ en 1911 à plus de 800 $ dans les années 1920. Mais malgré le fait que l'on ait pavoisé beaucoup, que l'on ait voulu faire croire que les années 20 étaient des années de croissance importante, en fait, ce qui marque l'économie mondiale entre les deux guerres, c'est un ralentissement du rythme de croissance. Alors que le commerce mondial et le rythme de l'industrialisation, en prix constant, avaient procédé à un taux de près de 4% l'an entre 1896 et 1913, dans la période 1914 à 1937, le rythme décélère à moins de 0,5% là. Ce ralentissement dans le rythme de croissance du commerce mondial va avoir des effets de réverbération sur une petite économie ouverte comme le Canada. Les exportations canadiennes tombent du tiers en 1921 et ce n'est qu'en 1926 que le niveau des exportations va remonter à ce qu'il était en 1920. Cette reprise des exportations va entraîner une reprise des investissements domestiques, investissements qui vont se conjuguer à un influx de capital important en provenance des États-Unis à la fin de la décennie 1920. Voilà qui va entraîner une reprise en fin de décennie. Ce sera cependant une reprise de courte durée qui donne lieu à un surinvestissement important inspiré à la fois par un optimisme exagéré et un climat de spéculation. Investissement excessif dans une économie canadienne qui demeure très vulnérable parce que le Canada a plus de 50% de ses exportations dans les secteurs de blé, farine, pulpe et papier et autres produits du bois. Quand le commerce mondial s'effondrera complètement et qu'une crise financière internationale viendra envenimer les choses en 1931, et que les États-Unis en particulier seront très durement frappés, la socio-économie canadienne va entrer dans une période de grande crise. Entre 1929 et 1933, le produit national brut canadien enregistre une baisse de 42%. Le niveau des investissements au Canada tombe de près de 90%. En 1933, un Canadien sur cinq est en chômage. On n'avait pas anticipé la crise comme on l'aurait dû, et comme nous l'explique Paul-André Linteau du département d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, on va mettre un long moment à réaliser l'ampleur du désastre. On dirait que ça prend un certain temps avant que et les dirigeants politiques et les hommes d'affaires se rendent compte du caractère majeur de cette crise-là. Parce que, bien sûr, des crises, on en avait connu beaucoup depuis, disons, le début de l'industrialisation. Des crises qui étaient essentiellement des crises de surproduction et d'investissement. On avait connu une phase d'investissement rapide, on avait trop produit et tout à coup, il y a ralentissement, il y a crise. On en avait connu une dans les années 20, on en avait connu au début du siècle des crises comme celle-là et généralement, elles se résorbaient après un an ou deux. Alors, la crise des années 30 est beaucoup plus grave, beaucoup plus globale que ça. C'est une crise générale du commerce international et de tout le système capitaliste. Et ça prend un certain nombre d'années avant qu'on s'en rende compte et qu'on cherche des moyens appropriés de la contrer. Mais entre-temps, les effets ont été dévastateurs. On atteint des niveaux de chômage extrêmement élevés qu'on n'avait jamais connus, en tout cas de cette ampleur-là, un chômage d'au moins 20% dans les années les plus sombres de la crise 1932-1933. Dans les villes, et en particulier dans une ville comme Montréal, là, l'effet du chômage est considérable. Les gens n'ont plus d'argent pour vivre, n'ont plus d'argent pour payer leur logement, pour acheter de la nourriture. Alors, les gouvernements doivent trouver des expédients, lancer des programmes de travaux de chômage pour employer les chômeurs et verser des allocations à ceux qui n'ont pas de travail, ce qu'on a appelé le secours direct. Toute l'économie est complètement désorganisée. On cherche des solutions traditionnelles comme la colonisation. Alors là, il y a tout un mouvement pour diriger les chômeurs de Montréal vers les terres de colonisation en Abitibi ou dans le bas du fleuve. Et il y en a un certain nombre qui vont y aller effectivement, mais ça n'est évidemment pas une solution, c'est un palliatif. Et pendant ces années sombres, 1931, 1932, 1933, la crise va être très très dure pour les travailleurs, en particulier les travailleurs montréalais, mais de façon générale au Québec. Même les agriculteurs qui produisent de la nourriture, et les prix des aliments étant tombés tellement bas, sont obligés de les vendre en bas de leur prix coûtant. Alors, c'est pour ça qu'on assiste à cette époque-là à des destructions massives d'aliments. Les agriculteurs n'ont pas intérêt à vendre des aliments moins chers que ce que ça leur coûte. Alors, il y a vraiment un problème généralisé qui affecte en particulier plus durement, disons, les travailleurs du secteur industriel que les autres groupes, mais qui affecte tous les groupes. Les entreprises s'en tirent un peu mieux parce qu'elles peuvent réduire la production quand la demande est moins forte. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent assez bien à travers la crise. La Dominion Textile, par exemple, n'a jamais cessé de payer de dividendes tout au long de la crise. La solution, c'est de réduire le personnel, de réduire la production. Du côté des entreprises, ça va beaucoup mieux. Il y en a évidemment qui sont en sérieuses difficultés, comme celle des pâtes et papiers. Mais de façon générale, ce sont les ouvriers qui absorbent le gros de cette crise-là. Les travailleurs de la construction a complètement arrêté parce que, d'une part, la construction industrielle, on a beaucoup investi dans les années 20, on n'a plus besoin de nouvelles usines. Et d'autre part, la construction résidentielle, parce que y a trop de logements, étant donné le nombre de chômeurs qui ne peuvent pas payer ou qui s'en vont à la campagne, on n'a pas besoin de nouveaux logements. Alors, on estime que dans la construction, à peu près 90% des ouvriers de la construction, au pire de la crise, sont en chômage. Alors, c'est vraiment très dur pour ces gens-là aussi. Et ça prend beaucoup de temps avant qu'on découvre que les solutions traditionnelles sont bien insuffisantes et qu'il faut recourir à de nouvelles solutions et en particulier à une intervention massive de l'État pour relancer l'activité économique. Au début de la crise, la solution des gouvernements, qui est une solution traditionnelle typique, c'est de réduire leurs dépenses. Puisque l'économie va mal, on va économiser, on va réduire les dépenses. Donc, on met plus de monde en chômage, on met des employés de l'État en chômage. Et Hepburn en Ontario, par exemple, ou Duplessis au Québec, vont se faire élire au milieu des années 30 en promettant de réduire les dépenses gouvernementales, de sabrer dans les dépenses gouvernementales. Alors que, peu à peu, justement, dans cette expérience de la crise, il y a des économistes, le plus célèbre est John Keynes, et d'autres autour de lui et après lui, vont penser qu'au contraire, en période de crise comme celle-là, il faut que le gouvernement accepte de faire des déficits, ne se conduise pas comme un bon père de famille, mais fonctionne tout à fait autrement et tente de relancer la consommation et la production en jetant de l'argent dans le circuit économique, en faisant au besoin des déficits. Mais ça, on va le découvrir très lentement. Et dans un premier temps, pendant les premières années de la crise, la solution des gouvernements, c'est de dire « on dépense moins ». Alors, ça aggrave encore plus la situation des chômeurs. Et en fait, l'influence des économistes comme Keynes, c'est vraiment seulement pendant la guerre qu'elle va vraiment se faire sentir. Déjà aux États-Unis, le président Roosevelt a proposé avec son « New Deal » une nouvelle approche à la crise où, justement, le gouvernement interviendrait beaucoup plus systématiquement. Au Canada, ça prend beaucoup de temps avant qu'on y vienne. En 1935, le gouvernement Bennett propose lui aussi son New Deal à la façon du président américain, mais les mesures qu'il propose sont déclarées inconstitutionnelles par les cours de justice, de sorte que c'est vraiment à la fin des années 30 et en fait avec la guerre que les gouvernements vont se donner les moyens de mieux intervenir dans l'économie et de mieux contrôler l'économie. Et c'est peut-être pour ça que dans la mentalité populaire au Québec en particulier, la guerre va apparaître comme si ce qui a sauvé la population de la crise. Parce que ça a pris 10 ans, ça a pris en fait toute la crise avant que les gouvernements trouvent les mécanismes et s'ajustent, acceptent de changer leur mentalité et que les hauts fonctionnaires gouvernementaux, les économistes qui travaillaient pour les gouvernements, acceptent de changer complètement leur point de vue face à la gestion d'une économie en crise, à la gestion de l'intervention gouvernementale en période de crise. L'une des raisons pour lesquelles la crise va être tellement grave au Canada, c'est que l'économie canadienne est très liée à celle des États-Unis, tant par les exportations que le Canada y envoie que par les capitaux qu'il en reçoit. Or, l'économie américaine va être de toutes les économies avancées la plus durement frappée par la grande crise. Le revenu national aux États-Unis va tomber de 45% entre 1926 et 1933. Pour l'Allemagne, la baisse sera de 25%, pour le Japon, de moins de 10%, pour la Grande-Bretagne, de moins de 5%. Le Canada, pour sa part, dans la foulée des États-Unis, va voir son revenu national tomber de près de 35% durant cette période. En fait, les États-Unis mis à part, c'est le Canada qui va vivre la crise la plus dure dans les années 1930. En partie, cela est évidemment attribuable au fait que le Canada est une économie ouverte, qu'une proportion relativement grande de son produit est exportée. Mais cela est attribuable aussi au fait que le grand boom des investissements dans les dernières années des années 20 avait été fondé sur des prévisions excessivement optimistes et donc démesurées. Cependant, il ne faut pas oublier que le gouvernement ne va pas réagir très vite face à la catastrophe. Alors qu'aux États-Unis, les dépenses gouvernementales ne tombent que de 6% entre 1929 et 1933, au Canada, les dépenses gouvernementales tombent de 23% durant la même période. Le gouvernement canadien, loin d'amortir la chute, semble contribuer à accentuer le ralentissement de l'activité économique. Et pourtant, l'ampleur du désastre est bien visible dès le début de la décennie des 1930. Mais, comme nous l'explique Blair Needbe, professeur d'histoire à l'Université Carleton et auteur d'un livre sur la Grande Dépression, ce sera ni plus ni moins qu'une révolution dans les esprits qui sera nécessaire avant que le gouvernement du Canada puisse prendre des mesures pour combattre activement la crise. Blair Needbe. Quand le gouvernement Bennett est arrivé au pouvoir en 1930, ils ont estimé chômeurs au niveau de 200 000, 250 000 chômeurs. Ça, c'était considéré énorme. C'était peut-être 10%, ils en parlaient. Mais ce n'est pas le 10% d'aujourd'hui, parce que c'était probablement, la plupart étaient les chefs de famille. On peut donner aussi des incidents. En 1937, en Saskatchewan, deux tiers de la population de la province ont reçu l'aide d'une forme ou d'une autre des gouvernements pour survivre. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Ainsi, du point de vue de région, ça diffère, mais par tous les chiffres, toutes les statistiques qu'on peut deviner, c'était la situation la pire de notre pays, de notre histoire. Une situation terrible qui va engendrer évidemment des réactions. Et on se demande comment les gouvernements vont réagir à cette crise, à cette grande crise. Les deux partis majeurs, c'était le conservateur qui est arrivé au pouvoir en 1930 et le Parti libéral, tous les deux ont réagi dans une façon traditionnelle. Ils étaient lents d'admettre ou de comprendre l'envergure de la crise et les conservateurs ont réagi en levant le niveau des tarifs. C'était traditionnel. C'était la solution parce qu'on va garder le travail ici. Et pour les libéraux, ça, c'était la faute. Ils ont considéré ça la cause de la crise. Ainsi, ils disent, avec les échanges plus libres, on va augmenter le commerce international. C'était encore traditionnel. Ils n'ont pas repensé le rôle du gouvernement dans l'économie. Et ça, ça continuait pour les conservateurs. En 1935, M. Bennett est arrivé avec un New Deal, comme on dit, qui était un effort pour le gouvernement de jouer un rôle plus majeur. Ça, c'était vraiment le premier changement dans le concept du gouvernement conservateur. Ce New Deal de M. Bennett en 1935, est-ce que c'était simplement une copie conforme du New Deal qu'on vivait aux États-Unis sous Roosevelt? C'est un peu difficile d'établir exactement la nature de le New Deal parce que ce n'est jamais établi parce que c'est une campagne électorale. Mais au fond, c'était pour aider les producteurs dans les secteurs de l'économie autres que le manufacturier, qui était déjà aidé par le gouvernement conservateur. Ainsi, ça facilitait les combinaisons des producteurs agricoles, les grandes pools, ou ainsi, tous les producteurs peuvent contrôler la mise en marché de leurs produits pour augmenter le prix. Ainsi, nous avons le Natural Products Marketing Act, les actes comme ça, mais aussi la Banque du Canada qui est liée avec ça. Ainsi, on a un mouvement envers plus de contrôle économique par le gouvernement. Les institutions étaient là. Mais encore, je crois que le concept du gouvernement, du rôle qu'il va jouer, était limité pour aider les producteurs de contrôler la production, comme le tarif a fait. Monsieur Bennett ne va pas avoir la chance de mettre en opération son New Deal puisqu'il va être renvoyé par l'électorat en 1935 et Mackenzie King revient au pouvoir. Est-ce que Mackenzie King, revenant au pouvoir en 1935, va avoir changé beaucoup sa perception de la politique économique depuis 1921? Non, franchement, non. Il a pensé qu'en 1921, il est arrivé dans une période de crise, et il a organisé un gouvernement très économique, il a dit, réduit les dépenses, etc. Et pour lui, les années 20 étaient preuve que c'était la meilleure façon de le faire. Ainsi, il avait l'intention de le répéter en 1935, réduit les restreintes sur le commerce international. Ainsi, il a arrangé un traité avec les États-Unis et plus tard avec la Grande-Bretagne. Mais aussi réduire les dépenses du gouvernement fédéral, c'était son but. Malheureusement pour lui, c'était pas possible parce que une des grandes dépenses, c'était l'aide pour les chômeurs et l'aide dans l'Ouest pour maintenir un agricole qui n'avait pas de revenus. Ainsi, il a trouvé qu'en dépit de tout ça, c'était pas possible de forcer, d'obliger les gouvernements provinciaux de faire toutes les dépenses parce qu'ils n'avaient pas de revenus. Ainsi, il ne peut pas le faire. Ainsi, c'était seulement vers la fin de cette période au pouvoir, vers 1938 par exemple, que dans son parti, il y avait de pression pour commencer de dépenser l'argent, d'avoir un budget déficitaire pour les raisons politiques, mais aussi presque, on peut dire, idéologiques. Il y a quelques-uns dans le gouvernement qui ont commencé à dire ça, c'est le rôle du gouvernement dans une période de crise. Qui sont, M. Nidbé, ces définisseurs de situation au sein du Parti libéral qui vont, en un sens, amener le gouvernement King à se faire keynésien, à prendre les idées nouvelles qui sont maintenant dans l'air aux États-Unis et en Angleterre, que le gouvernement doit dépenser pour sortir de la dépression? L'idée est venue des intellectuels, je peux dire, les gens comme W.A. McIntosh, un économiste, qui a parlé de ça, il était membre d'une commission royale sur l'emploi. Ainsi, il avait développé ses idées. Et il a grandement influencé Norman Rogers, qui était un jeune professeur de Queens aussi, qui est dans la politique active et était ministre du Travail à ce temps-là. Et lui, il était très influencé par ça. Mais aussi, il avait dans le cabinet de King l'appui des autres ministres qui ont voulu dépenser l'argent parce que dans leur département, ce serait commode. Par exemple, Tom Crearer, qui était ministre des chemins de fer et des ressources, a voulu aider le développement des mines. Et il n'avait pas les idées Keynes, mais pour lui, c'était une bonne chose pour son administration. Ainsi, il, lui aussi, appuyait l'idée d'un déficit budgétaire. Pas pour les raisons de Keynes, mais les conséquences étaient les mêmes choses. Donc, on a, en 1938, pour la première fois au Canada, une politique fiscale délibérée de déficit budgétaire. Est-ce que ce sera efficace? M. King a décidé efficace du point de vue politique parce que c'était la préparation pour une élection. Jusqu'à 1938, King a pensé que la meilleure politique, c'est de montrer comment le gouvernement était responsable et éliminer les déficits. Mais il a changé l'idée. Il a décidé que politiquement, c'était plus efficace. Économiquement, c'est difficile à dire et c'est certain que l'arrivée de la guerre et les dépenses du gouvernement là, le vrai Keynesien, parce que ça, c'était très modéré. Le gouvernement fédéral n'a pas augmenter le déficit par 60 millions. Pour le gouvernement, c'était énorme, mais pour l'économie, l'impact était probablement mineur. Le vrai effort du gouvernement de transformer l'économie est venu avec la guerre et les grandes dépenses pour les munitions et la guerre. Si le gouvernement fédéral a eu peu d'impact par sa politique fiscale et son déficit budgétaire avant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ses efforts de relance ont été plus importants du côté de la politique monétaire? Je ne crois pas. La première banque du Canada, c'était la banque des banquiers. C'était contrôlé par les banquiers plutôt que le gouvernement, parce que Bennett avait peur. L'argent était trop important de laisser dans les mains des politiciens qui pouvaient être influencés par les gens qui n'ont pas un sens de responsabilité. Et après tout, l'argent, c'est quelque chose de fondamental. On ne peut pas jouer avec ça. Ça, c'était l'attitude. Ainsi, on n'avait aucune idée d'une politique monétaire. Et même quand le gouvernement libéral est revenu, ils ont changé le contrôle de la Banque du Canada, ils ont donné le contrôle de la banque au gouvernement du jour. Mais le gouvernement n'a pas imposé une politique. Il y a un bref essai d'inflation, ils ont 35 millions de dollars qui parus, qui étaient imprimés pour essai. Ils ont décidé que ça n'a pas affecté le niveau d'activité économique, ainsi ils se sont retirés tout de suite. Ainsi, non, la politique monétaire, je crois, n'avait pas joué un rôle important. L'incidence de la grande crise sur les divers morceaux de l'économie canadienne va être assez différente. Certaines régions, comme la région des Prairies, vont être frappées très durement, la plus durement. Le revenu net des produits de la ferme dans les Prairies va passer de plus de 125 millions de dollars en 1929 à un chiffre négatif, moins 25 millions de dollars en 1931. C'est dire que les fermiers ne pourront survivre qu'en ne remplaçant pas leur équipement, qu'en mangeant leur capital. Le désastre va se traduire par une réduction du revenu monétaire per capita entre 1928-29 et 1933 de 50% au Manitoba, de près de 65% en Alberta et de près de 75% en Saskatchewan. Et la situation des fermiers se trouvera rendue encore plus pénible à cause du fait que, pendant que les prix des produits agricoles tombent de 50% et que sécheresse, sauterelles, etc. font que les revenus baissent encore à cause des baisses de production, eh bien que le prix des instruments aratoires, lui, ne tombe que de moins de 7% entre 1929 et 1933. Les termes d'échange entre les fermiers des prairies et les industriels du centre du pays se détériorent pour les fermiers. On abandonne les fermes et on se dirige vers la côte du Pacifique, là où au moins le climat est plus clément. La Colombie-Britannique va s'inquiéter de cet influx d'immigrants des prairies, mais aussi du Canada central, et créer des camps de travail, loin des villes, pour les célibataires en chômage. Cette tentative pour limiter le nombre des chômeurs dérivant vers Vancouver chaque hiver devait être reprise et généralisée par le gouvernement fédéral de partout le pays. Ce sont les camps de travail où plus de 100 000 Canadiens vont passer au début des années 1930, faisant un travail qui se devait d'être inutile ou tout au moins de n'entrer en conflit avec aucun secteur de production marchande, pour ne pas être controversé, pour ne pas engendrer l'hostilité des milieux d'affaires. N'entrer en conflit avec aucun secteur de production marchande, pour ne pas être controversé, pour ne pas engendrer l'hostilité des milliers d'affaires. C'est un travail pour lequel on va donner à chaque travailleur 20 cents par jour. Et puis, il y aura l'horrible année 1936, les sauterelles qui détruisent la récolte, qui envahissent les prairies, et puis, pour tout finir, l'épidémie de polio qui vient semer la panique à Winnipeg. John Thompson est professeur d'histoire à l'Université McGill. Il nous parle de la misère dans les prairies dans les années 1930 et des réactions que cette misère a suscité. Il y a parmi les gens habitants du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, a tombé de plus entre les années 20 et les années 30. Et si on rappelle que les années 20 n'étaient pas une période de boom, parce qu'il y a une crise très très grave. Il y avait des sections de la Saskatchewan avec 70% des cultivateurs sur l'assistance publique. Il y avait des familles qui ont habillé leurs enfants dans les sacs à farine. Il y avait des familles qui ont mangé les salades de mauvaises herbes, le café, du blé aussi. Qui ont mangé le potage des fonds de Paris. Un univers extraordinaire dont va sortir un mouvement politique diversifié. Cette protestation contre la misère va amener ces populations diverses à protester, mais à protester différemment. Oui, c'est facile maintenant quand tu vois l'entre-deux qui, qu'elle est sociale de voir les deux voix parmi les mouvements de protestation. Pendant les années 30, c'est plus difficile à voir clairement qu'il y avait les deux tendances. Et le service social pendant les années 30 en Alberta et le Cooperative Commonwealth Federation pendant les années 30 en Saskatchewan, mais aussi en Alberta et au Manitoba et en Colombie-Britannique. Pendant cette période, il n'y avait pas tellement de différence dans la conception des militants des deux mouvements. Il y avait des socialistes confirmés, bien sûr, au sein du CCF, mais il y avait des gens qui presque la même mentalité au sein du trait social. La confusion, le thème était la protestation. C'est pas une question de la politique très très saine. Protestation qui va prendre plusieurs formes, mais qui va surtout prendre le pouvoir dans l'Ouest canadien. Parce que ce nouveau pouvoir politique au niveau provincial va pouvoir changer la situation des provinces qui sont. Pendant les années 30, pas du tout. Ça n'a rien changé. Le gouvernement de M. Eberhardt en Alberta, élu en 1935, n'a rien changé entre son élection et la guerre. C'était tout le monde de la guerre qui a réhabilité l'économie des provinces perdues. Et dans le Saskatchewan et au Manitoba, le CCS n'a pas pris le pouvoir. C'était pas jusqu'à 1944, par exemple, pendant la guerre humaine, que le peuple de la Saskatchewan a voté pour le Cooperative Communist Federation. Cette réaction pluraliste dans les prairies, elle va accentuer l'hostilité vis-à-vis du Canada central. Elle va donner lieu en particulier, M. Thompson vient de le dire, à des mouvements politiques nouveaux qui vont briller les suffrages et même prendre le pouvoir en Alberta. Ces mouvements de protestation vont s'inscrire dans le vaste mouvement de réforme qui a habité l'Ouest depuis la fin du 19e siècle, mais elles vont prendre des formes contrastées. En 1933, le parti CCF est fondé et le manifeste de Regina est rédigé. On ne sera pas satisfait tant qu'on n'aura pas éliminé le capitalisme, dit-on. Le CCF prend 31% des votes aux élections de 1933 en Colombie-Britannique et va élire 7 députés au Parlement fédéral en provenance de l'Ouest en 1935. Mais il existe aussi dans l'Ouest une autre réaction, celle qui monte en Alberta, sous la gouverne de William Eberhardt. Eberhardt qui a trouvé dans les doctrines monétaires du major Douglas ce qu'il croit être une explication différente des sources de la crise. Alors que pour le CCF, c'est le régime capitaliste qui a prouvé par la grande crise qu'il n'était ni stable ni viable, pour le crédit social de Eberhardt, la crise a sa source dans les failles du système bancaire, dans un manque chronique de pouvoir d'achat. Il s'agit simplement de réparer ce manque chronique pour rétablir la balance, pour relancer la machine économique, en assurant un pouvoir d'achat accru qui soit suffisant pour que les stocks de produits s'écoulent et que la crise soit éliminée. Ce n'est pas le lieu pour entrer dans un exposé des théories monétaires du major Douglas et de William Eberhardt, mais il suffira de dire que pour eux, les paiements faits par l'entreprise peuvent être subdivisés en deux portions. Les paiements faits aux individus en gaz, salaire et dividendes, c'est la portion A. Et puis, ceux qui sont payés par la firme pour les matières premières, les charges bancaires, etc., c'est la portion B. Or, d'expliquer le major Douglas, pour acheter la production qui a une valeur totale A plus B, il faut des revenus et donc un pouvoir d'achat au moins égal à A plus B. Et comme les entreprises versent seulement la portion A en salaire et gaz, et donc en pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat est toujours plus petit que la production. La source des problèmes économiques vient donc, d'après Douglas et Aberhart, d'un manque chronique de pouvoir d'achat, un manque que l'on pourrait facilement éliminer en imprimant de la monnaie nouvelle et en distribuant des dividendes sociaux aux consommateurs ou des subventions aux producteurs pour leur permettre de vendre leurs produits à des prix moins élevés. Face à l'absence visible de politique monétaire de la part du gouvernement fédéral, on peut comprendre que le message d'Aberhart, message où se mêlait un certain fondamentalisme religieux, des explications du théorème A plus B du crédit social et certaines sorties contre les intérêts malveillants de l'Est du pays qui contrôlaient la masse monétaire et étaient les véritables responsables de la crise, eh bien que ce message a été bien reçu dans l'Ouest. Et ce, malgré les explications fumeuses et les fondements friables du théorème de base, le théorème A plus B, sur lequel ces explications étaient échafaudées. Comme l'explique Blair Nibbe, dans le Canada central, on ne prenait pas tellement au sérieux les doctrines monétaires de William Aberhart. Le politique monétaire du Parti créatifiste était vu comme quelque chose absurde. C'était le fanatique, c'était le lunatique, si vous voulez. Ainsi, le gouvernement, les partis majeurs et les hommes d'affaires et l'établissement ont vu comme quelque chose en dehors de réalité. C'était impossible à comprendre l'existence de créditifs monnaie de pas pour eux. Ils ont pensé que pendant les périodes d'élection, on avait pas quelque chose à mal marché parce que tout le province est devenu plus. Mais le problème en partie, c'est que le créditiste était beaucoup plus qu'un politique monétaire, le politique du parti créditiste en avait pas. Par exemple, le dette. Le problème de dette personnelle, c'est le problème probablement le plus puissant pour les gens de l'Ouest, parce qu'ils avaient tous leur hypothèque pour les fermes et pour leurs machines et tout ça. Ainsi, le gouvernement en Alberta a simplement dit les dettes, le taux d'intérêt est éliminé pendant 4 ans. Et on peut réduire les hypothèques par 50% ou quelque chose comme ça, un titre arbitraire. Ainsi, pour les gens d'Alberta, c'était très encourageant et c'était logique pour eux, parce que ça va aider à résoudre le problème. De perspective des compagnies d'hypothèques, c'était un peu différent, mais ils étaient tous en Toronto et c'était encourageant encore pour les Albertains. Mais c'était assez pratique dans ce sens-là, le parti d'Aberhart, le gouvernement d'Aberhart a fait des choses à part de ça, vague politique monétaire. Mais ces politiques très pratiques, justement, qui voulaient réduire les problèmes locaux dans l'Ouest, en Alberta, par exemple, est-ce que ces politiques ont réussi? Oui, il a réussi dans le sens qu'il a beaucoup aidé les gens d'Alberta de se rétablir sur leur terrain. Et pendant la guerre, quand les prix ont monté et les productions ont monté, ils sont devenus stabilisés avec les propriétés, ils ont payé les hypothèques. Ainsi, oui, c'était un politique qui a aidé le survivant pendant la crise. Si dans l'Ouest, M. Nibbe, en Saskatchewan et en Alberta, on a eu des réactions à la crise qui ont créé des mouvements politiques d'aide assez efficaces, cela a été la réaction des gouvernements provinciaux au Canada central à cette grande crise économique. Mais au Canada central, on avait le développement en Ontario, par exemple, on a un changement de gouvernement en 1934, parce que les libéraux ont revenu au pouvoir après une période de 30 ans, sous Mitchell Hepburn. Mais c'était plus qu'un changement de gouvernement, parce que Mitchell Hepburn a représenté quelque chose de différent. La tradition de gouvernement d'Ontario jusqu'à ce temps-là, comme aujourd'hui, c'était les hommes d'affaires au pouvoir politique. Les hommes traditionnels, conservateurs dans leur manière, leur apparence et leur politique. Et une relation assez intime avec les banquiers et les hommes d'affaires responsables. Mais Chapman a représenté quelque chose de très différent. Et c'est un homme qui a fait de suite de toutes les manières. Il a beaucoup bu, il a sorti avec les femmes de mauvaise réputation. Et dans sa politique aussi, il était flamboyant. Et ça, c'est pas typiquement d'Ontario, mais ça, c'est l'évidence de la réaction contre le leadership traditionnel. Est-ce qu'on a vu cette réaction en Ontario? Et Maurice Duplessis, en contraste avec Tassoro, son prédécesseur, c'est encore la même transition. Duplessis, moitié et tout ça, c'était pas un homme d'établissement. C'est un homme de Trois-Rivières. Tassoro, la grande famille, mais Duplessis l'a remplacé parce que le peuple avait perdu confiance dans le leadership traditionnel. Ainsi, ils ont choisi quelqu'un qui symbolise le contraste. Dans les 12 provinces, on peut dire que le changement n'était pas aussi révolutionnaire qu'on a pensé. La manière et la méthode c'était, mais le politique a resté encore un politique de partnership avec les hommes d'affaires. On a changé le groupe en Ontario. L'association avec personne était avec le nouveau entrepreneurs, les entrepreneurs minières, les entrepreneurs des forêts, souvent les spéculateurs, les gens qui ont pris le risque dans le secteur de l'économie qui pouvait dynamique si ça marche, pas les banquiers. Ainsi, ça c'est un changement, mais c'est encore un système de partnership, c'était pas le gouvernement qui a pris le contrôle. Et je crois que c'était la même chose à Québec avec Boris Duplessis. Et on n'a donc pas mis en place dans l'Ontario et le Québec des années 1930 beaucoup d'institutions nouvelles en réaction à la Grande Dépression. Non. Et je crois que les structures politiques et les relations avec l'économie n'étaient pas fondamentalement changées dans les années 30. Ce qui frappe surtout à la lecture des documents d'époque, c'est la lenteur des réactions des gouvernements et de cette population frappée durement par la crise économique, mais faisant preuve de grande résignation, d'apathie presque. Le choc économique est tellement grand qu'on semble sidéré, paralysé, que s'installe un certain fatalisme économique, un fatalisme qui va permettre au gouvernement de réagir avec grande lenteur au nouveau contexte. Cette impression de résignation est encore plus forte, s'il se peut, quand on examine l'expérience des provinces maritimes. Là, malgré la petitesse relative de l'espace économique, et malgré le fait que la sévérité relative de la Grande Dépression a pu sembler moindre, la crise vient confirmer la tendance à la baisse déjà bien amorcée avec les années 20. Une tendance qui a engendré d'abord un réflexe de défense vis-à-vis du Canada central, mais ce réflexe, dans les années 30, il a déjà perdu tout nerf. Le sous-développement économique chronique est déjà installé dans les maritimes. C'est une mentalité de coloniser qui s'enracine. Comme nous l'explique Carmen Miller, un spécialiste de l'histoire des maritimes qui enseigne à l'Université McGill, cet espace économique a cessé déjà d'exister comme région économique. Quand on parle de réaction de la région comme telle à la Grande Dépression, il n'est plus possible de parler globalement. Il faut désormais distinguer des fragments de régions qui ont leurs réflexes propres. C'est tout au moins ce qui est la réaction de M. Miller quand on lui demande de nous dire comment les maritimes ont vécu la Grande Dépression. Ça dépend dans une région des maritimes. Ça, c'était une période de grande prospérité pendant les années 30. Ça, c'est la région dans la vallée de Napoli, par exemple. Ça, c'est une économie axée sur une agriculture commerciale. sociale, des fruits. Et ça, c'était la période la plus prospère dans l'histoire de cette région à cause des grandes récoltes et une baisse des tarifs sur la transportation à transatlantique, de leur marché était un marché international à Londres, Liverpool. Et ça, c'est une période de grande prospérité dans cette région agricole. Pendant les années 20, il y a une émigration vers les autres régions et vers les États-Unis. Mais pendant les années 30, la population augmente parfois soit des personnes qui migrent pendant les années 20 à retourner vers les maritimes. Il y a un mouvement vers le secteur rural dans les années 30. À mon avis, les maritimes avaient leur dépression pendant les années 20. Et par comparaison, les années 30 n'étaient pas assez sévères. Est-ce que donc on ne va pas voir dans les maritimes similaires comme on verra dans l'Ouest et même dans le Canada central une réaction politique à cette misère des nouveaux gouvernements de Hepburn et Duplessis au Québec? Est-ce qu'on va sentir dans les maritimes durant cette période une réaction politique similaire à cette misère économique, même si elle est moins grande qu'ailleurs? Après la Première Guerre mondiale, il y a un mouvement politique pour réclamer les droits des maritimes, une sorte de mouvement séparatiste qui demandait plus à Ottawa. Et cet mouvement a une certaine popularité pour les premières années, mais par 1925, ce mouvement est calmé. Quelque façon. Et je crois que pendant les dernières années de la décennie 20, la région était démoralisée et on commence à voir une sorte de dépendance au sens des pouvoirs. Et je crois que ça, c'était pendant ces années que l'esprit de séparatisme, régionalisme était brisé finalement. Et l'économie et les mentalités des gens-là étaient nationalisées, canadiennisées, en quelque sorte finies pour cette région comme une région. Vous lui donnez l'impression, M. Miller, d'une sorte de colonie intérieure au Canada, que les maritimes sont devenus une colonie économique du Canada central. Oui, absolument. Est-ce que ce pessimisme, cette résignation économique, va toucher également toutes les parties des maritimes dans les années 20-30? Non, pas du tout. Pendant ces années, il y a un mouvement à localiser, comme le Antigonish Movement, une sorte de mouvement coopératif à intégré comme une sorte de case populaire, tous les moyens de coopération désignés pour changer les difficultés économiques. Et ce mouvement il est réussi dans une façon limitée. Et parfois, dans quelques régions ou dans une province ou l'autre, un secteur de l'économie a stimulé une sorte d'optimisme, mais c'est quoi temporaire quand il y a une ressource à exploiter dans cette secteur. Cette colonisation économique intérieure qui va désarticuler bousculer les maritimes et redonner des lueurs temporaires d'espoir à différentes sous-régions quand le Canada central viendra y développer pour un moment un nouveau staple, un nouveau produit de base. Cette démoralisation, cette résignation, c'est un sentiment qu'on retrouve aussi dans le reste du pays. La population a perdu confiance en ses élites, la socio-économie a perdu son gyroscope, et les stratégies économiques des gouvernements ont des allures de saut-pipe. Augmentation des tarifs douaniers, réduction du commerce international, et donc désagrégation de l'appareil complexe de division internationale du travail qui avait fait pourtant la richesse des nations. On en arrive même à vouloir immobiliser la population au Canada, comme on l'avait fait en Angleterre au temps des Poor Laws au 19e siècle. C'est une série de réactions toutes explicables, toutes logiques en un sens restreint, mais qui paralyse la socio-économie canadienne encore plus. André Lévesque est professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa. Si on est dans les villes, on va s'apercevoir qu'on peut y sortir. Parce qu'avant, on pouvait aller aux États-Unis, on ne pourra plus y aller, parce que les frontières se ferment à l'immigration. On va s'apercevoir aussi que ça va être très difficile de changer de vie pour aller chercher du travail ailleurs, parce que si on perd son travail, on ne pourra pas bénéficier de secours, d'assistance publique, parce qu'on va établir des critères de résidence. Bon, j'ai parlé d'assistance publique, ça n'existait pas avant, mais devant des conditions extrêmes, à partir de 1930, on va avoir une foule d'ententes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, pour assister les municipalités et pour donner soit ce qu'on appelle des secours directs, c'est-à-dire de l'argent ou des bons ou de la nourriture, ou des travaux publics. Et pour bénéficier de cette aide-là, il faut être demeuré dans une ville un certain temps. Ça va être un an, on va monter ça à 2 ans, on va monter ça à 3 ans. Alors, cette main-d'œuvre-là va être captive, si vous voulez. Sauf peut-être moins les célibataires, qui eux vont être capables de monter sur des trains de marchandises et aller vers l'ouest pour voir si c'est pas meilleur, évidemment, si c'est pas meilleur. On est rendu Manitoba, Saskatchewan, Alberta, on va continuer jusqu'à Vancouver, très souvent. Et Vancouver va regorger de chômeurs, peut-être à cause du climat, ou enfin, parce qu'on s'attend toujours à ce que ce soit meilleur, qui vont revenir et on va faire des wagons de marchandises comme ça. Mais les pères de famille, les chefs de famille ne pourront pas avoir cette mobilité-là. Qu'est-ce qui arrive au travail des femmes dans les années 1930, André? Ça, c'est assez intéressant. Le premier secteur, c'est le secteur domestique. Qu'est-ce qui arrive en période de crise? C'est les domestiques. D'abord, si avoir une domestique, c'est un luxe, on va les congédier. Par contre, on sait fort bien que ces domestiques-là ne peuvent pas trouver d'autre travail. Alors, on les garde pour à peu près rien. On leur donne le vite et la nourriture et très peu de salaire. Et c'est pour ça que ce secteur-là ne sera pas trop affecté, parce qu'on va les garder, mais ce sera du travail qui sera à peu près pas payé. Il y a eu un fort mouvement pour défendre le travail aux femmes mariées. On en a eu des députés au Québec qui voulaient que toutes les femmes sortirent du marché du travail, sauf celles qui étaient chefs de famille, soutien de famille. Heureusement, ça n'a jamais été une loi. Mais il reste que dans certains secteurs, ça a été appliqué. Par exemple, dans l'enseignement, les femmes mariées n'avaient plus le droit d'enseigner. Pas seulement au Québec, dans d'autres provinces aussi. On a vu les femmes en compétition directe avec les hommes. Il y avait une autre raison, c'est que la plupart des provinces avaient une loi du salaire minimum des femmes. Or, si on est obligé de payer un salaire minimum aux femmes et non aux hommes, on remplaçait les femmes par des jeunes garçons. Il y a eu une exploitation accrue de la main-d'œuvre féminine qui a été fort bien exposée dans deux commissions royales d'enquête, dans la commission royale d'enquête présidée par Stevens sur le quart des prix, la commission royale d'enquête sur le textile présidée par Turgeon. Dans les deux cas, on note une recrudescence du travail en atelier, ou du travail à domicile, ce qu'on appelle en anglais les sweatshops, qui est un système selon lequel les magasins à rayons, pas seulement les magasins à rayons, mais en particulier parce qu'ils ont été étudiés, passaient des contrats, des contracteurs, qui eux passaient des contrats, des sous-contracteurs, qui eux, bon, etc. Et finalement, le travail se faisait soit dans des petits ateliers qui n'étaient pas respectés, qui étaient encombrés, il y avait, bon, mal ventilé, ça, ou dans des maisons privées, où on était payé à la pièce, évidemment, ou plutôt à la dizaine, une dizaine de chemises pourtant, où on était souvent obligé de recruter les enfants, les cousines, les grand-mères, et tout ça, pour coudre. Ça les a avancés dans la nuit pour être capable de rencontrer les exigences des sous-contracteurs. Bon. Il y a eu une recrudescence de ça, il y a eu une plus grande exploitation de la main-d'œuvre féminine et des congédiements là où on pouvait les remplacer, comme dans la chaussure en particulier, où on pouvait les remplacer par de jeunes garçons. Malgré la misère, l'apathie, l'exploitation, malgré les hésitations et les demi-mesures timides des gouvernements qui, à tâtons, cherchent une voie hors de la crise, la socio-économie canadienne va commencer lentement sa relance dans la seconde moitié des années 1930. De même que les difficultés sont venues d'une conjugaison de chocs externes et de problèmes structurels internes à l'économie canadienne, la relance va venir en partie d'un regain des exportations, quand on va commencer d'abaisser les barrières tarifaires et qu'on va permettre à l'économie canadienne de se redonner accès au marché mondial. Mais elle va venir aussi en partie d'une réforme des institutions canadiennes. Cette réforme va laisser le paysage des institutions économiques canadiennes bien changé en 1940. Le gouvernement a à ce moment-là formellement une place plus grande dans l'économie. C'est l'Office canadien du blé, c'est la Banque du Canada, c'est la Commission de l'assurance chômage. Autant d'institutions qui constituent des éléments nouveaux dans l'architecture de la socio-économie canadienne. Ces institutions et la volonté politique de les utiliser pleinement ne prendront vraiment toute leur importance que dans les années 1940, avec la Seconde Grande Guerre mondiale. Mais l'appareil de base est en place, et les idées véhiculées par les diverses commissions royales qui ont fait enquête durant les années 1930 vont constituer un réservoir d'idées nouvelles qu'on mettra un bon moment à assimiler. Mais avant de passer aux années 40, nous allons, dans les deux prochaines émissions, essayer de comprendre ce qui a rendu la socio-économie canadienne tellement vulnérable dans les années 20 et qui explique pourquoi elle s'est sortie tellement lentement de la Grande Dépression. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith et Ron Meng. À la technique, Charles Gervais. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet qui vous parle. Histoire économique